va se dire très se trompe. Ceux qui traversent le monde, le cœur à la main, quand le reste s'effondre. Ceux qui acceptent les matos, mais qui après reviennent avec des rêves dans la peau. C'est pour ceux qui écoutent avec le cœur, ça. Avec le cœur. Je ne cherche qu'à faire vibrer les ventricules, que les choses soient claires, que t'es le sang qui brûle dans la poitrine et pas le genou à terre. J'suis pas venu pour mettre KO les gens, sera rude, mais à chaque prune, mon drapeau est blanc, à le sang, j'en ai ras le cul. C'est pour ça que jure, j'm'en bats que t'es un bourge ou bien une crapule. J'catapulte ça pour ceux qui me ressentent, moi t'sais, j'ai qu'une face, j'en ai aucune de rechange. Si t'as le cœur sur la main sans paire de moufles, que j't'ai atteint jusqu'à la chair de poule. Que je t'ai aidé à rester debout dans un passage où tout virait vers alors faut que ça parte de ma cage thoracique jusqu'à la tienne, qu'on s'arrache dans mes nuages, que tu puisses de quoi je rêve, que je vois cette valeur pour l'amour de Dieu. Et si tu cherches de la chaleur, t'es dans ma boule de feu. Beaucoup trop de cas de plein de pensent qu'on n'est pas. Passent leur temps à dénigrer notre musique et à vouloir qu'on finisse au plus bas. N'écoute même pas la cohérence de nos messages, à les entendre, on est juste bon à leur parler d'enfantillage. Heureusement, je sais à qui je m'adresse et à qui je me confesse, avec qui je partage ma détresse pendant que certains autres contestent. Ceux qui décortiquent mes lyrics sans en perdre une seule miette, et puis ceux qui les jettent parce que leur vision de vie n'est pas la mienne. Encore une chance qu'il y ait de la diversité. Moi, je m'en tape que tu sois un bad boy ou que t'ailles à l'université. Y'a pas de frontières dans les idées que je véhicule, peu importe que tu sois calme ou que tu aies un matricule. Ce qui compte, c'est que t'écoutes mon son avec le cœur, car ça booste mon énergie et que mon mental ressort toujours vainqueur. J'apprécie ceux qui prennent le temps d'analyser chaque mot, mais pas ceux qui baillent soi-disant parce qu'un de mes potes a un chapeau. On vous aime, parce que dans le fond y'a rien à dire d'autre. On ne doit pas rougir de honte, donc on l'affirme haut. Pour tous ceux qui nous écoutent avec le cœur, faut que ça parte de nos cages thoraciques jusqu'à la vôtre. On vous aime, que voulez-vous qu'on vous lise d'autres? C'est vous qui avez changé nos phases et lyrics en cristaux. C'est pour ceux qui savent lire entre les phases tristes l'autre. À tous ceux qui nous reçoivent avec la poitrine gauche. Poitrine gauche. Ce son ira à ceux qui redressent le tronc. Reste courageux quand ils testent le fond. Ceux qui traversent le monde, le cœur à la main quand le reste s'effondre. Ceux qui redressent le tronc, reste vrai même si sous les pêches ils tombent. Ceux qui acceptent les matos, mais qui après reviennent avec des rêves dans la peau. Ce son ira à ceux qui redressent le tronc. Reste courageux quand ils pour attraper la mâchoire d'un requin. Et à 12 piges, voilà que j'écoutais rapper des requins. Au point de vue lyrical, et ouais, je comprenais rien. Mais j'écoutais l'impact sur le beat, putain, ça donnait bien. Je tapais des baguilles, des baskets et des bandanas. La mélo me condamna, trop peur qu'elle m'abandonna. Le premier appel, intéressant m'a bercé. C'est les premiers à percer avec leurs plaques bercées. Un peu plus tard, je sortais l'encre pour mes premiers jets. J'ai compris qu'il valait mieux attendre pour se protéger. Souvent, t'es pas jugé sur tes écrits, mais plutôt sur ta vie. Et puis, comment tu t'habilles, mais cependant. Si ta carte dit ma troupe, elle a balafré les clichés. C'est sorti des tripes, c'est comme une tempête qui pense avec la tête, des ventricules aux oreillettes. Mat, y'a pas de compète. Et en somme, en toute sincérité, une fois que je gratte le papier, c'est du vécu et c'est sans s'arrêter. Ce texte est pour tous ceux qui nous ont pareillés. Scotché sur le cœur, ouais, c'est dessus qu'on a parié. C'est pour ces gens ayant les pavillons auditifs greffés sur le myocarde que j'ai le même plein de respect comme signature vocale. Je me focalise à taffer le son blend et mes phases, mon blast. La underground me fait gratter des places où il parle. On reste malade, accro à la scène qu'on répète comme des ouf. La raison, un public qui nous suit, une âme de plus qui nous pousse. Beaucoup toi, lui, elle, on reste présent. Le manchon serait de vous dire que pour nous ce n'est pas plaisant. 10 ans déjà d'écriture sans voir le bout du tunnel. Deux, trois têtes à peine viennent nous célèbre au coin d'une ruelle. C'est ce qu'on aime, rester humble et honnête. Unis par la vie, chaque jour de posage pour nous être une fête. Je lâche ce texte aux auditeurs qui en valent la peine. C'est si notre amour, son pourcentage vise le centième. La finesse de nos mots n'a de cesse de vous porter. Apprécie de nos personnes, gentillesse, simplicité. On vous aime, parce que dans le fond y'a rien à dire d'autre. On ne doit pas rougir de honte, donc on l'affirme haut. Pour tous ceux qui nous écoutent avec le cœur, faut que ça parte de nos cages thoraciques jusqu'à la vôtre. On vous aime, que voulez-vous qu'on vous lise d'autre? C'est vous qui avez changé nos phases et lyrics en cristaux. C'est pour ceux qui savent lire entre les phases tristes. À tous ceux qui nous reçoivent avec la poitrine gauche. Ce son ira à ceux qui redressent le tronc. Reste courageux quand ils testent le fond. Ceux qui traversent le monde, le cœur à la main quand le reste s'effondre. Ceux qui redressent le tronc, reste vrai même si sous les pêches ils tombent. Ceux qui acceptent les matos, mais qui après reviennent avec des rêves dans la peau. Ce son ira à ceux qui redressent le tronc.